2. La terricole. Ici l'on a des fées, comme ailleurs des oiseaux. Victor Hugo fuit en Sologne. Chanson des rues et des bois. Pas si vite, enfant, dit une voix bien loin derrière. Les gamins ne l'écoutent pas. Emmitouflés dans leur grand cache-nez, tricotés aux couleurs voyantes, le béret enfoncé jusqu'aux oreilles, les pieds dans les sabots bourrés de paille, une main dans la poche du pantalon, l'autre tenant une petite lanterne, il grimpe lestement le long du chemin des fées, qui, tout lumineux sous la clarté de la lune, semble conduire à un pays enchanté. De petites lumières vacillent tout au long, comme des feux follets. Ce sont les falots des fidèles qui reviennent de la messe de minuit et regagnent le haut du coteau en passant par la terricole. Car c'est Noël. Hades et Butch sont cachés. Le bois est à tout le monde cette nuit. Yanoulet, Péroulin, crie encore la voix de plus en plus lointaine. Mais les enfants ne s'arrêtent pas. Dépêche-toi, dit le plus vieux, Péroulin, le voisin de Yanoulet et son mauvais conseiller. Si nous nous arrêtons, nous n'aurons pas le temps. C'est cette nuit seulement que le bois n'est pas hanté. Voyons, veux-tu, oui ou non, avoir des sous, de belles pièces d'argent, de l'or peut-être, qui sait? Et cela sans travailler, sans même prendre de peine. Oui, eh bien, marche, suis-moi. C'est un peu plus loin à gauche, tu viens? Prends garde aux épines. Tiens, tu vois ces chiffons, c'est là. Mais c'est voler que de prendre cet argent. Allons donc, quelle bêtise, voler qui? Les brouches? Ce serait pain béni. Ce sont de mauvaises bêtes qui viennent du démon. D'ailleurs, ce qui est à elles est à tout le monde. Elles n'ont qu'à ne pas laisser traîner ce qu'on aide à ses seaux pour leur jeter. Mais si elles se réveillent et nous attrapent? Cette nuit? Jamais. Elles dorment comme les serpents quand ils gèlent. Et lors même qu'elles se réveilleraient, elles n'ont cette nuit de pouvoir sur personne. As-tu dit à ta mère ce que tu allais faire? Innocent, pour qu'elle m'en empêche? Elle est bien trop heureuse. Toutes les femmes sont heureuses. Elle craindrait qu'il m'arrive du mal. Mais moi, je suis un homme, je n'ai peur de rien. Maman ne le saura pas, à moins que tu ne me vendes. Moi, je ne suis pas un traître. Je ne te vendrai pas, je te le promets. C'est bon, j'y compte. Allons, viens. Mais tu as beau dire, je crois que ce n'est pas bien. Je vois ce que c'est, tu as peur. Va-t'en bien vite rejoindre maman. Elle te cachera sous sa mante. J'irai seul. Péroulin, attends, écoute. Tu es donc bien sûr que ce n'est pas mal, ce que tu veux faire là? Mal? Puisque l'argent n'est à personne, pec, sot. Et puis, qui le saura? Je ne l'ai dit qu'à toi. Par exemple, si j'avais su que tu étais un pareil capon, Arnaud et Michel n'auraient pas demandé mieux que de m'accompagner. Seulement, je t'ai préféré parce que je t'aime plus. Mais j'ai eu tort, eux au moins sont braves. Je suis brave aussi, moi. Oui, oui, joliment. Après m'avoir promis de me suivre à la terricole, tu m'abandonnes au moment d'y entrer. Tiens, y aller en compagnie ou y aller seul, ce n'est plus pareil. Mais je m'en moque, s'il m'arrive malheur, tant pis. Je ne savais pas ce que tu voulais y faire à la terricole. Tu ne me l'avais pas dit. Je ne pouvais pas le deviner. Pour y aller, bien sûr, j'en avais envie, et cela me faisait plaisir de te suivre. Mais prendre l'argent? Oui, oui, fais l'honnête, comme si tu l'étais plus que les autres. Alors je suis un voleur, moi? Merci bien. Je vois ce que c'est, tu n'es plus mon ami. Si tu l'étais, tu ne me soupçonnerais pas comme cela. Tu ne m'abandonnerais pas au dernier moment. Mais je ne te soupçonne pas, je ne t'abandonne pas. Seulement, adieu, adieu, suis ton chemin, moi le mien. Bon appétit pour le réveillon. Péroulin! Quoi, Péroulin? Que veux-tu? Laisse-moi, je n'ai pas le temps de bêtiser, maman approche. Je vais avec toi. À la bonne heure. Voilà enfin un garçon courageux. Qui dirait que tu as 12 ans passés? Tu es toujours aussi craintif. Et si j'habitais la ville comme toi depuis 1 an et demi? Si j'étais apprenti dans un magasin où il vient tant de monde, tu verrais comme je serais. Mais maman n'a pas voulu m'écouter. Elle m'a fait rester au champ, tandis que toi... Ah, la mienne, maman est si bonne. Tout ce que je veux, elle le fait. C'est ma pauvre défunte grand-mère de Ney, morte au printemps, qui m'avait mis cela en tête. Elle me disait, « Toi, tu n'es pas fabriqué pour être un paysan, comme ton père qui était fort et grand. Tu es fin comme une demoiselle. Ça ferait deuil de te voir travailler la terre. Faut que tu deviennes un monsieur. Tu n'aimes pas assez les livres pour faire un régent ou un curé. Mais dis à ta mère qu'elle te mette commis dans un magasin à Villeneuve. Je voudrais te voir en veste et en chapeau avant de mourir. Alors moi, j'ai cru que je serais plus heureux comme cela. J'ai tant prié maman, tant pleuré, qu'elle m'a écouté. Si j'avais su... Comment, tu regrettes d'être à la ville? Bien nourri, bien vêtu, bien logé, et de ne rien faire? Rien faire. Partout, il faut travailler pour gagner son pain, va. Et puis, on s'ennuie à recommencer toujours les mêmes choses. Mais c'est moins pénible que la terre, pourtant. Oui, elle est plus basse pour toi que pour les autres. Peut-être la terre, fichu feignant. Dis donc, quand tu auras ton paletot et ton chapeau, tu ne sauras plus parler patois, tu ne me reconnaîtras plus, j'en suis sûr. Allons, en attendant, viens-t'en, c'est par ici. Tourne ta lumière en dedans pour qu'on ne nous voie pas. Là, y es-tu? Gare à cette ronce et à cette branche. Tes regards en voilà des sous. 2, 4, 6, 10. Et toi, tu n'as rien trouvé? Si, 1 franc. Une pièce? Une pièce. Vénarva. Yanoulet. Oui, Maï. Il se précipite, mais horreur. Il se sent retenu par la blouse. Il pousse un grand cri. Imbécile, lui dit Péroulin, veux-tu donc nous faire prendre? Qu'as-tu à brailler comme un âne? C'est une épine qui t'accrochait, voilà tout. Tiens, je l'ai ôté, mets ton argent dans la poche et hardi, courons rejoindre les autres. Où étais-tu, Ménate, enfant? Demanda la veuve, quand l'enfant l'eut rejointe en haut de la terricole près du calvaire, après que les voisines se furent séparées. J'étais avec Péroulin dans le ravin. Pourquoi as-tu crié? Tu as vu quelque chose? Une bête t'a piqué? Tu es tout pâle. Non, une ronce avait attrapé ma blouse, j'ai cru que c'était une brouche. Aussi, quelle idée de nous quitter et de s'en aller comme un fou à travers des broussailles, là où aucun chrétien n'ose s'aventurer. C'est Péroulin qui voulait. Oui, c'est toujours un autre qui veut. Mais c'est tout de même toi qui fais la bêtise. Il faut savoir dire non quelquefois, vois-tu, mi, ami. Tu devais rester près de moi comme tu me l'avais promis. Mais ne nous fâchons pas ce soir, je suis trop heureuse de t'avoir avec moi. J'étais si triste l'an passé sans toi, si tu savais. C'est que tu es tout pour moi, vois-tu? Depuis que ta grand-mère est morte, je n'ai plus personne que toi au monde, puisque je suis orpheline, sans frère ni sœur, et que ton défunt père était fils unique. Je suis bien seul. Tiens, nous sommes arrivés. Voici la clé. Ouvre la porte. Ah, comme il fait bon chez nous. Ne trouves-tu pas, mon petit? Regarde la belle souche comme elle chauffe. Je l'ai gardée toute l'année exprès pour ce soir. Et j'allume 2 chandelles pour y voir bien clair. Je t'ai fait une tourte et un pastis, pâté, comme je te l'avais promis. Enlève ton cache-nez, ton béret, et mettons-nous à table. Ah, ce réveillon, nous y voilà enfin. L'ai-je assez attendu, mon Dieu? Il n'y a pas sur terre une femme plus heureuse que moi ce soir, puisque j'ai là mon il-ho tout à moi. La mère et l'enfant s'asseyent auprès de la table de chêne que recouvre une grosse serviette à liteau bleu. « Tiens, mange-moi ça, » dit la veuve en servant à Yanoulet un grand morceau de tourte. « C'est bon, j'y ai mis dedans un des poulets de la dernière couvée, tu sais, de ceux de la poule noire. Il est tendre, n'est-ce pas ?» Malgré l'aspect séduisant de la pâte dorée, l'enfant n'a pas faim. Pourtant, il aime bien la tourte. Il s'était tant promis de s'en régaler. Il se faisait une si grande fête de ce réveillon, tout seul avec sa maman dans la chambre claire et chaude au retour de la messe de minuit, après le passage à travers la sombre et mystérieuse terricole. Pourquoi est-il si triste maintenant? Pourquoi son cœur lui semble-t-il si lourd dans sa poitrine? Mais qu'as-tu? Tu ne manges pas? Elle n'est pas bonne, la tourte? Peut-être. Pas assez cuite? Je m'en doutais, quel malheur! Eh bien, laisse-la, il y a autre chose, heureusement. Si faite qu'elle est bonne, mais tu m'en avais donné tant. Tiens, du pastis. Vois comme il est léger, comme il sent bon la fleur d'orange. Tu ne me diras pas qu'il n'est pas réussi. J'y ai mis 12 gros œufs et je l'ai pétri 1 heure de temps au moins. Le trouves-tu à ton goût? Oui, Maï, il est très bon. L'enfant se force pour manger, mais les morceaux refusent de passer. Ah, cette pièce de 20 sous là dans sa poche, comme elle le gêne. Elle est bien petite, bien légère pourtant. Comment s'en débarrasser? Où la mettre? Quand sa mère secoura son pantalon pour le plier tout à l'heure, elle tombera. Il faudra dire d'où elle vient. Que répondra-t-il? Encore une tranche, allons, et bois un peu de vin pour te délier la langue, car tu n'es pas bavard ce soir. C'est du Jurançon, tu sais. Je l'ai acheté pour toi chez Puyas lundi dernier quand j'ai été voir ton patron pour lui demander de te laisser venir. C'est un bien brave homme, ton patron. Tu es heureux chez lui, n'est-ce pas? Oui, Maï. Tu me dis la vérité, au moins. Si tu te faisais du mauvais sang, faudrait me le dire. Tes camarades sont-ils gentils pour toi? Ils ne te tourmentent pas trop? Non, Maï, ils sont bien aimables. Tu as peut-être trop de travail? Que fais-tu toute la journée? Des paquets, des commissions, je range les marchandises, je pèse les épices, et quand il n'y a plus rien à faire, je noue des bouts de ficelle assis sur un grand tabouret près du comptoir. Tout cela n'est pas pénible, en effet. Ainsi, tu te trouves bien. Pourtant, tu as quelque chose que tu me caches, je vois cela. Tu ne me dis pas tout, ce n'est pas joli. Pourquoi es-tu triste? Tu ne voudrais pas y retourner à la ville? Tu veux rester à travailler avec moi au champ? Si c'est cela, dis-le, n'aie pas de vergogne. Va, tout le monde peut se tromper. Je te reprendrai, voilà tout, et j'en serai même bien heureuse. Oh non, je me trouve bien là-bas. Alors c'est que le temps te dure ici. Je ne suis pas gai, c'est vrai, moi. J'aurais dû te dire d'amener un camarade. Les mères s'imaginent toujours que les enfants leur ressemblent, qu'ils sont aussi heureux avec elles qu'elles avec eux. Moi, rien que de te voir, ça me rend contente. Je ne demande rien d'autre chose au bon Dieu. Le temps ne me dure pas, Maï, et je préfère être seule avec toi ce soir. Alors tu es malade, ou as-tu mal? Non, je n'ai rien, mais je tombe de sommeil. Ah, c'est donc ça que tu es tout chose? Eh bien, va te coucher. Garde tes châtaignes pour demain, si tu ne peux pas les manger maintenant. Ainsi, tu ne veux pas que je te conte les histoires et que je te chante les Noëls comme quand tu étais petit? Je suis si fatigué. Que les enfants changent vite, pauvres de nous autres mères. Tu les aimais tant, les histoires, autrefois. Jamais tu n'en avais assez, jamais tu ne veillais assez tard. J'étais obligé de me fâcher pour te faire coucher. Mais on a raison de dire que l'on ne tient qu'à ce que l'on ne peut pas avoir. Viens un peu par ici, là, sur cet escabeau, près du feu à mon côté, car tu es trop grand pour te mettre sur mes genoux maintenant. Te souviens-tu quand je te chantais « Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils » Le petit-fils était un peu mon il-ho à moi. Entre les deux bras de Marie, dors, dors, dors le fruit de vie. Sans manquer de respect à la Sainte Vierge, je me sentais un peu comme elle, tenant mon doux fruit de vie. Et quand j'arrivais à la fin, entre deux larrons sur la croix, dors, dors, dors le roi des rois, tu dormais toi aussi, et je te portais pesant comme une souche. Dans notre lit, je t'embrassais, et tu ne te réveillais pas. Mais qu'as-tu? Pourquoi tes yeux sont-ils pleins de larmes? Que j'ai te tue dans le feu. Une peau de châtaigne, j'ai failli m'étrangler avec, ce n'est rien. Maï, j'ai froid, je veux aller me coucher. Oui, oui, tu vas y aller, mais avant mon pourricou, dis avec moi notre père, puis tu iras au dodo, et je te borderai encore cette fois. Maman, dit l'enfant, lorsqu'il fut bien au chaud dans le grand lit maternel, maman, qu'est-ce qu'un larron? C'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas, c'est un voleur. Mais quand ce qu'on prend n'est à personne, est-ce volé? Tout est toujours à quelqu'un, et puis il n'y a pas à aller chercher des histoires, c'est bien simple. Prendre ce qui n'est pas à soi, c'est volé. Mais si on prenait l'argent des brouches, par exemple, celui qu'elle ne ramasse pas, qu'elle laisse traîner par terre, ce ne serait pas volé? Quelle drôle de question! L'argent des brouches est aux brouches, c'est pour elle qu'il a été jeté. Le prendre, c'est volé, bien sûr, et de plus, c'est s'exposer à leur vengeance, c'est très imprudent. Mais pourquoi me demandes-tu cela? Tu n'y as pas touché, j'espère, à leur argent, mon Yanoulet. Non, ce n'est pas Dieu possible, que je suis sotte et peureuse. Pardonne-moi, Ilho, tu es incapable de voler, toi. Mais j'ai si peur que tu fasses le mal. C'est bien une peau que tu jetais au feu tout à l'heure, dit. Oui, je n'entends pas. Oui. Mon Dieu, je n'ose pas aller voir. Dis-moi que je suis une folle, Ilho. Ilho, que c'est très mal de soupçonner son enfant. C'est que, vois-tu, je serais trop malheureuse. Oui, bien sûr, mon Ilho est digne de mon amour. Mon fils est honnête comme son père. Mais réponds-moi donc. Lève ton visage que je vois tes yeux francs comme l'or. Qu'ils ne m'ont jamais menti, je te croirais. N'est-ce pas qu'ils ne voudraient pas me tromper et tu n'as rien pris? Non, non. Ah, je le savais bien, merci, mon Dieu. Oh, vous qui vous voyez du haut de notre ciel. Vous qui êtes venu au monde dans une nuit pareille à celle-ci, tout petit et tout humble, pour nous sauver, nous autres, petits et humbles, ayez pitié de nous. Je ne suis qu'une faible femme, qu'une pauvre paysanne bien ignorante. Aidez-moi à élever mon fils comme il faut. Par-dessus toute chose, gardez son cœur pur, préservez-le du mal en dedans et en dehors, en dedans surtout. Vous qui pardonniez au larron sur la croix, pardonnez nos péchés, et si nous ne pouvons pas vous servir en faisant de grandes choses, comme ceux qui sont savants et riches, faites-nous la grâce de nous aider à vous servir en étant honnêtes et en faisant le peu que nous savons faire. Ainsi soit-il.